Psaume 3. Psaume de David, au sujet de sa fuite de devant Absalom, son fils. Ô Éternel, combien sont multipliés ceux qui me pressent. Beaucoup de gens s'élèvent contre moi. Plusieurs disent de mon âme, il n'y a point en Dieu de délivrance pour lui, c'est là. Mais toi, ô Éternel, tu es un bouclier autour de moi, tu es ma gloire, et tu es celui qui me fait lever la tête. J'ai crié de ma voix à l'Éternel, et il m'a répondu de la montagne de sa sainteté, c'est là. Je me suis couché, je me suis endormi, je me suis réveillé, car l'Éternel me soutient. Je ne craindrai point plusieurs milliers de peuples, quand ils se rangeraient contre moi tout alentour. Lève-toi, Éternel, mon Dieu, délivre-moi. Certainement tu as frappé en la joue tous mes ennemis, tu as cassé les dents des méchants. La délivrance vient de l'Éternel, ta bénédiction est sur ton peuple, c'est là.